Chapitre 5e. Georges Niste ne pensait qu'à son inconnu. La veille au soir, il avait rôdé le long des grilles du Luxembourg jusqu'à une heure avancée, épiant dans cette rue du Luxembourg, qui courte, s'il ne verrait pas sortir d'une des maisons les deux femmes ensemble, ou l'une d'elles. À la longue, il s'était lassé. Rien ne prouvait qu'elles habitassent là. Elles avaient pu s'y arrêter seulement en passant, pour une visite. Et cependant, un espoir tenace lui faisait croire, quand il levait les yeux vers les rangées de vitres éclairées ou sombres, que celle qu'il cherchait devait s'accouder souvent à l'appui fleuronné d'une de ses fenêtres. Il en élisait une, de préférence autour de laquelle, d'une caisse en bois, montaient des plantes grimpantes. Si une ombre se découpait sous la transparence d'un rideau, un étrange petit mouvement remuait son cœur. Rien de plus enfantin, mais les sentiments vrais ont de ces ridicules. À la fin, il s'en alla. Toute la nuit, il pensa au porte-cartes. Elle l'avait pris tout de suite, du geste un peu fou dont on reconquiert un objet perdu. Mais la femme est si rusée comédienne, peut-être n'avait-elle pas été dupe. Dans le premier cas, en reconnaissant son erreur, qu'avait-elle pensé? Dans le second, que ferait-elle? L'idée qu'elle avait peut-être un mari lui vint alors. Le deuil qu'elle portait ne marquait pas nécessairement qu'elle fût veuve. Mais sa jalousie préféra écarter cette hypothèse. Marié ou non, il suivrait jusqu'au bout l'aventure, ému par l'appel de ses beaux yeux tristes, à moins qu'elle ne lui signifiât elle-même qu'elle ne voulait être ni protégée, ni servie, même de loin. Il se mit au travail de grand matin, cherchant sur le papier blanc de la pointe d'un fusain, à défaut d'une ressemblance exacte, la silhouette et le profil perdu de son ami. Autour de lui, dans le désordre d'un atelier assez élégant, des toiles nombreuses attestaient non pas un talent de maître, mais beaucoup de facilité et d'intelligence. Dans la foule du salon, Niste tenait un rang honorable, quoique sans éclat. Sa fortune lui permettait de vendre peu sa peinture. Très dilettante et très raffinée, il était supérieur à son talent. L'indulgence de ses confrères le jugeait un bon garçon. Un coup de sonnette violent le fit sursauter. Un autre coup suivit, aussi impérieux. Sa femme de ménage étant absente, il alla ouvrir. Une servante à coiffe bretonne, un petit paquet blanc à la main, demanda « Monsieur Niste, c'est moi. Voilà. » Elle lui tendait le paquet, prête à tourner les talons. À la forme plate et rectangulaire de l'objet, il eut un pressentiment. « Qui est-ce qui vous envoie ?»« J'ai rien à dire et il n'y a pas de réponse. Voilà. » Elle lui tendait toujours le paquet, qu'il ne prenait pas, devinant presque et le cœur battant soudain. « Veuillez entrer, » dit-il. Mais elle secoua la tête d'un air malin et obstiné et recula. « Je ne vous mangerai pas, » dit Niste, qui tira de son gousset une pièce de 100 sous et se l'incrusta dans l'œil en guise de monocle. « Je le pense bien, » dit la bretonne, et une expression de convoitise et de méfiance bigarra sa face. « Entrez donc, » fit-il, l'attirant brusquement, quoique avec douceur. Poussée dans l'atelier, elle ouvrit des yeux énormes et devint toute rouge à la vue des toiles dont certaines représentaient des femmes nues. « En v'là un métier, » fit-elle, et le feu qui lui était monté aux joues lui fit dire, intimidée, « Il fait bien chaud. Voulez-vous vous rafraîchir ? Peut-être bien que vous aimez la nisette ? » insinua-t-il avec une persuasive fermeté. « Non, je n'aime que le vin pur. » Elle ajouta fièrement, « Mais je ne bois que quand j'ai soif. » Il ouvrit un placard, en tira une bouteille de Bordeaux entamée et un verre, il versa. « Buvez donc, » ordonna-t-il. « À votre santé, » dit la bretonne après une courte hésitation. Elle vida le verre avec lenteur, le reposa et tendit le petit paquet. « Voilà, » répéta-t-elle encore. Il déchira l'enveloppe et reconnut son porte-carte. « Dans quel état, bon Dieu ?» Il le tourna et le palpa, le flaira, déconcerté. L'inconnu l'avait-elle ainsi détérioré par colère et mépris? Mais quelle apparence? Dans ce cas, le renverrait-elle? Peut-être une autre personne avait-elle commis le dégât? Dans quel but? Par méchanceté? Un petit mystère tragique s'accusait-il dans ce froissement et ces déchirures? Ce renvoi signifiait-il de la part de l'intéressé? Voyez à quoi vous m'avez exposé. Et serait-ce, par une de ces contradictions si fréquentes au corps humain, à la fois un ordre de ne plus troubler son repos et une invitation désespérée à la secourir ? Causons, fit-il. N'y a rien à dire, éluda la bretonne, et d'une voix faiblie, Carniste jonglait avec la pièce de 100 sous. Il n'y a pas de réponse. Il insista. Ce fut la comédie la plus étonnante. Elle ne savait rien, ne voulait rien dire. Pendant ce temps, la pièce d'argent dansait, virevoltait aux doigts de Nist, hypnotisant les petits yeux gris de la paysanne. « C'est la vieille dame qui vous a chargé de me remettre ça ?» La bonne se taisait, entêtée. La pièce de 5 francs sauta au plafond et disparut derrière le dos de Nist. Alors elle lâcha d'un soupir « Non, c'est la jeune. » « Et la mère, était-elle là ?» La pièce reparut hors du gousset, montrant le bout de son nez. Elle et la servante rentra la tête entre les épaules comme une tortue peureuse. « Non, elle n'y était pas. Elle est sortie. Et il faut que je m'en retourne, elle me mécaniserait. » Là-dessus, la pièce s'évanouit de nouveau. La bretonne fit la grimace et ajouta, une rectification ne pouvant la compromettre. « C'est pas la mère d'abord, c'est la belle-mère. Il y a un mari ?»« Mort, il y a 2 ans. Vous ne le savez donc pas que vous le demandez ?»« Elle est méchante, hein ?» dit Nist, plaçant cette fois l'écu en équilibre sur le bout de son nez. « Un loup-garou ! Elle épouvante tout le monde, même le concierge, un homme qui était soldat. C'est au 32 que vous demeurez, au 48. Je croyais que c'était au 15, au 48. Et la jeune dame est-elle heureuse? Madame Paul Gerbeau? Elle ne rit ni ne chante. On ne l'entend pas, c'est un oiseau en cage. Quel air avait-elle en vous donnant cette commission? Un air, la bonne chercha. Un air tout chose et les yeux rouges comme si elle savait disputer. « Vous les avez entendus ?»« Non, elle rentrait du bain. » Il examina avec attention les taches d'eau qui délavaient par place le carnet et la photographie. Ses soupçons divaguèrent, complètement égarés. « Elles vivent seules, ces 2 dames ?»« Toutes seules. Elles ne voient personne. »« Ah si, Madame Saint-Doux, une vieille sucrée. » »« Et le mari, qu'est-ce qu'il faisait ?»« Monsieur Gerbeau, il était dans un ministère. Attendez, aux travaux civils. » « Ah, on en parle assez souvent de lui. Elle, s'entend. Et pas l'autre ?» La bretonne secoua énergiquement la tête. « Qu'est-ce qu'on dit d'elle dans le quartier ?»« Rien, qu'elles sont honnêtes. Elles payent comptant. » Et s'enhardissant, avec un éclair de méfiance, « Pourquoi vous voulez savoir tout ça ? Sait-il que vous leur voulez du mal ?»« Ah, vous ne la connaissez pas. Elle est plus maligne qu'un singe. Elle est plus méchante qu'un âne rouge. Vous la croyez bien loin ? Elle vous tombe dessus. » « Elle m'a donné hier mes 8 jours, moi qui vous parle. »« Et vous cherchez une place ?» fit Nist. « Asseyez-vous là. Je vais vous donner une lettre pour votre maîtresse. Pour Madame Gerbeau, la jeune. Et, pas de confusion. Tenez, buvez un petit coup en attendant et regardez l'empereur. » Il lui glissa l'écu qui portait le profil impérial. Elle l'escamota aussitôt en demandant. « C'est une lettre écrite que vous allez me donner ? Bien sûr. Je n'en veux point. Je serai chassé. » « Mais puisque vous l'êtes déjà, » et mi-sérieux, mi-plaisant, « si vous voulez, je vous prends à mon service, 40 francs par mois, 10 francs de vin et pas grand-chose à faire. »« C'est-il bien vrai ?» Nist avisa un crucifix d'ivoire pendu au fond de l'atelier et étendit la main sur le Christ. « Vous êtes un enjôleur, » dit la bretonne, sans se décider. Il prit une plume et se mit à écrire avec rapidité. « Vous êtes donc son galant ?» demanda-t-elle subitement frappée. « Non, » dit Nist, « ça vous intéresse ?»« Je ne suis pas curieuse, » répondit-elle vivement. Il plia sa lettre en petit triangle et dit « Je vais vous accompagner, c'est sur mon chemin. Vous êtes trop honnête. » Elle dit cela avec une telle conviction et en même temps avec un pétillement si fin dans les yeux qu'il se demanda si elle ne se moquait pas de lui. Dans la rue, il la fit jaser. Plus à l'aise sur le trottoir et au milieu des passants, elle déclara tout ce qu'elle savait des dames Gerbeau. La pièce de 5 francs battant sa poche la grisait de verbe. Elle avait, au milieu d'un fatras de niaiseries, des lueurs de bon sens peuple qui éclairaient Nist. « Entrons dans le Luxembourg, » dit-il prudemment. Ils longèrent une allée. « V'là la maison, » dit-elle. « Nous sommes au 3e. Tenez, v'là les 2 fenêtres. Mais ma cuisine est sur la cour. » fit-elle d'un ton de regret. Il pensa. C'est ça qui m'est égal. Et lui glissant le petit billet à l'abri d'un massif de lilas, remettez-le de suite à la jeune dame. Si la vieille est rentrée, tâchez qu'elle ne se doute de rien. Dès que vous aurez remis la lettre, redescendez sous un prétexte et venez me le dire. Aïe, aïe! Et si la jeune me gronde? Et si elle raconte la chose à la vieille, qu'est-ce qui m'arrivera? Gémit la bretonne. Vous ferez la bête, dit Nist, celle qui n'a rien compris, qui n'a pas cru mal faire. Dites-moi l'heure qu'il est. Il consulta sa montre. Aïe, aïe, aïe! Mon déjeuner qui n'est pas fait. Ah bien, je vais en recevoir. Tout ça pour vous? Marqua-t-elle d'un regard avisé qui tirait sur lui une traite de reconnaissance. N'ayez pas peur. Avec moi, il y a toujours quelque chose à gagner. Et Nist, cette fois, fit luire une pièce d'or. Revenez vite, je vous attends ici. La bretonne le quitta brusquement et entra dans la maison. Caché derrière son massif, il ne quittait pas des yeux les fenêtres. Son cœur se prit à battre avec violence, comme au temps où il était collégien. Elle monte l'escalier, elle ouvre la porte, elle va dans sa cuisine, on l'interroge. Si Madame Paul Gerbault est seule, elle lui glisse la lettre. Et alors, que se passe-t-il? Elle va être offensée, sûrement. Un amour déclaré, des offres de service, des excuses pour ma conduite d'hier, une demande en grâce de rendez-vous où je puisse me disculper et lui faire connaître mes sentiments, tout cela, en quelques lignes surtout, est bien brutal, mais que faire? Comment m'y prendre autrement? Une comparaison vulgaire lui vint à l'esprit. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En amour, il faut une franchise militaire. Elle saura au moins à quoi s'en tenir sur moi. La bretonne ne reparaissait pas. Sans doute, Madame Gerbault, la mère, était rentrée, pourvu que cette fille ne le trahît pas. Mais quel intérêt y aurait-elle? Il s'usait les yeux à regarder fixement les rideaux des fenêtres, s'imaginant qu'ils avaient bougé. Au bout d'une demi-heure, une des fenêtres s'ouvrit et la bretonne s'y encadra. À la vue de Nist, qui s'était avancée près de la grille du jardin, elle fit deux ou trois signes de tête affirmatifs, suivis d'un geste véhément signifiant « Allez-vous-en !» Il tira de sa poche un papier blanc et le lui montrant, l'expression de son visage cria « L'avez-vous remis ?» La tête de la bretonne affirma « Oui, oui, oui !» Il lui fit signe de descendre en s'agitant l'index devant l'œil. Elle mima que c'était impossible en gonflant ses joues et en branlant tout le corps un doigt posé devant sa bouche. Il éleva en l'air un doigt, puis deux, pour demander si les deux femmes y étaient, ou la jeune seulement. Elle décomposa ses traits en une horrible grimace, signifiant par cette face de méduse que la mère, elle montra du pouce la chambre derrière elle et secoua la main en éventail, n'était pas rentrée, et précipitamment, elle réitéra son geste brusque. « Allez-vous-en donc !» Il se frappa la poitrine, haussa ses mains l'une après l'autre comme un homme qui monte un escalier quatre à quatre et fit mine de traverser la rue. La bretonne écarquilla les yeux et la bouche d'une manière effrayante. Se penchant en avant comme si elle allait se précipiter dans la rue, battit l'air de ses bras et referma la fenêtre avec la promptitude d'un personnage de Guignol. Il attendit encore un quart d'heure, la bonne ne descendant pas, et l'heure du déjeuner ayant sonné depuis longtemps, il s'éloigna.